still dead, Mark? Je suis punk, de Caroline de Cargario. Punk, nos futurs, mais a-t-il un passé ? Punk, comment un mot qui signifiait « prostituée » pour Shakespeare en est-il arrivé à désigner une contestation iconoclaste et provocatrice ? Y a-t-il réellement influence du dadaïsme, du situationnisme sur le punk ? Et si la préhistoire du mouvement passait plutôt par les azous, les incroyables et les cyniques grecs ? En 1977, le grand public français découvre un nouveau mot, punk. Je vous propose de découvrir maintenant avec Dominique Bromberger la punk musique. On en a parlé ces derniers jours en France. C'est un phénomène britannique. Découvrons-le ensemble. Qu'est-ce que la punk ? Tellement nouveau que personne ne sait vraiment comment le prononcer. C'est un mot anglais. Pourtant, on l'entend bien souvent dit à la germanique. Il devient alors punk dans la bouche des journalistes chargés de présenter aux téléspectateurs cette nouvelle et inquiétante sorte de rébellion adolescente. Et si Jean-Jacques, le chanteur des étrangleurs, parle français, c'est parce que ses parents sont français. Qu'est-ce qu'elles disent vos chansons ? Mais il y a une chanson qui dit « Merde à la reine » parce que la reine pour nous, elle, qu'est-ce qu'elle fout ? Elle, pour nous, elle n'a rien à dire. Il y a beaucoup de aspects politiques maintenant. La question revient de façon récurrente dans les médias en 1977. Qui sont les punks, ces paumés, et que veulent-ils ? Comment un tel mot désignant un phénomène qui inquiète les présidents Giscard d'Estaing et Jimmy Carter en vient-il, contre toute attente, à acquérir en quelques décennies un sens si flatteur que la maison Chanel veuille se doter d'une égérie punk ? Cet étonnant cheminement prend sa source il y a presque un demi-millénaire, sous le règne d'Elisabeth Ier, reine d'Angleterre. En matière de culture britannique, il est rare de ne pas croiser William Shakespeare. L'histoire du mot punk ne fait pas exception. L'origine en est obscure. Il apparaît vers 1590. À l'époque, il désigne une prostituée. C'est dans ce sens que le dramaturge l'emploie dans plusieurs de ses pièces, et toujours pour désigner des personnes de sexe féminin. La plus ancienne mention figure dans Les Joyeuses Commères de Windsor. Trois siècles plus tard, le mot punk appartient à l'argot des prisons. Il a toutefois subi un glissement de sens. Les punks sont maintenant les jeunes hommes utilisés par leurs aînés pour assouvir leurs pulsions sexuelles. Punk désigne bientôt un gringalet, puis il acquiert le sens de mauvais, moche, minable, et lorsqu'il est employé en tant que substantif, de vaurien. À partir des années 50, dans les films noirs et les séries policières, un punk est un jeune délinquant. Kick out the jams, motherfucker! C'est le 5 avril 1969 que, pour la toute première fois, le mot punk apparaît dans la presse rock américaine, à savoir le magazine Rolling Stone. Le jeune Lester Bangs y signe le premier article d'une longue carrière de critique musicale, une véritable descente en flammes de Kick Out the Jams, premier album de MC5. Lester Bangs en parle comme d'une bande de punk de 16 ans en plein trip de méthadone. Compte tenu du contexte, il s'agit bien dans l'esprit du journaliste de qualifier une bande de petits voyous comme dans un film de gangster. En janvier 1973, la France n'ignore pas le phénomène puisqu'un journaliste de 21 ans, Yves Adrien, qui utilise souvent des pseudonymes comme Sweet Punk ou F-Punk, signe un article intitulé « Je chante le rock électrique ». Le terme punk y revient fréquemment. Yves Adrien parle des Stooges, hurlant la punkitude des grands ensembles, de MC5 et aussi des New York Dolls, un groupe plus récent. Quant à Marc Zermati, patron de l'Open Market, boutique de disques des Halles à Paris, il affirme qu'il fait partie des quatre mecs qui ont créé le punk dans le monde, ajoutant que Malcolm McLaren a entendu le mot pour la première fois à Paris, tout comme Lester Bangs. Mais de quel punk parle-t-il ? Le punk prostitué ? Le punk voyou ? Le punk garage band de Lenny Kaye ? Car même en 1975, le mot ne s'est pas encore complètement dégagé de son sens argotique. En septembre, les Ramones, l'un des premiers, sinon le premier groupe qualifié de punk au sens moderne du terme, enregistre la démo d'un morceau intitulé « Judy is a punk ». Mais le mot y est encore à prendre dans le sens de minable. En revanche, dès l'été 1976, grâce au festival de punk européen organisé par Marc Zermati à Mont-de-Marsan, les punks musiciens prennent définitivement le pas sur les punks paumés. Pour lui, le punk, c'est le pub rock, délibérément malsain et post-glam. Pas les Sex Pistols. Lorsqu'apparaît une notion nouvelle comme le punk, on lui cherche des racines, une parenté avec quelque chose qui aurait déjà existé. Le punk est-il la énième incarnation du rock ou bien possède-t-il une identité propre ? Et d'ailleurs, peut-on résumer le punk à du rock, à de la musique ? Ainsi, le journaliste et universitaire Grail Marcus trace une filiation depuis le mouvement Dada jusqu'au punk en passant par les situationnistes. Et il ancre le tout dans les mouvements millénaristes du Moyen-Âge. Le dadaïsme a profondément et à jamais bouleversé la vision que le XXe siècle avait de l'art et de son rapport au public. Il est donc tout naturel que l'on trouve des parentés entre dada et punk, dérision, irrévérence, humour, envie de déstabiliser le spectateur en l'agressant, sont des traits communs à ces deux mouvements artistiques. À la différence du dadaïsme, le situationnisme est explicitement convoqué comme référence du punk. Et pourtant, dans un entretien datant de 2013, Glenn Matlock, le premier bassiste des Sex Pistols, assure qu'aucun d'eux n'avait la moindre idée de ce qu'était le situationnisme. Cette interview de Glenn Matlock apporte un éclairage intéressant sur deux points. La référence au situationnisme est totalement absente de l'esprit des musiciens. Quant à Malcolm McLaren, il savait à peine ce que c'était. Pour d'autres, le punk semble entretenir des liens avec le futurisme, mouvement artistique et révolutionnaire né en Italie au début du XXe siècle, qui a pour objet de détruire l'ancien monde et ses réalisations afin d'exalter la vitesse et la machine, en particulier la machine de guerre. Le mouvement se fait connaître en 1909 par son manifeste du futurisme qui glorifie le mouvement agressif, la gifle et le coup de poing, la guerre et le geste destructeur des anarchistes. Éloge de la vitesse, de la violence, table rase du passé, ces trois éléments se retrouvent dans le punk, comme dans tous les mouvements adolescents. La vitesse n'est pourtant pas une caractéristique du punk à ses débuts. Et si la violence, elle, fait partie de manière très codifiée du jeu d'aller-retour qui s'établit entre le groupe et le public, il s'agit surtout de susciter des réactions, de créer des situations. Un amusant clin d'œil au situationnisme. En revanche, la vraie violence, ce sont les punks qui en font les frais. C'est eux que l'on attaque. Le lien du futurisme avec le punk passe plutôt par les directions esquissées dans l'Art des bruits du peintre Luigi Russolo à la suite d'un concert de Balilla Platella, manifestement mal reçu par le public, et qui lui inspire une idée fulgurante. Nous défendions à coups de poing et de canne ta musique futuriste, quand tout à coup mon esprit intuitif conçut un nouvel art, l'art des bruits. Notant que c'est au XIXe siècle seulement, avec l'invention des machines, que naquit le bruit, Luigi Russolo se propose d'intégrer tous ces nouveaux sons à la musique et conclut avec fierté qu'il a conçu la rénovation de la musique par l'art des bruits. Si en 1913, il se représente difficilement les machines capables de reproduire les sons, dès les années 30, différents instruments sont inventés qui vont permettre l'éclosion de la musique bruitiste. Celle-ci entretient quelques liens incestueux avec les débuts du punk. Témoin, Cabaret Voltaire, Throbbing Gristle en Grande-Bretagne, la No Wave à New York, Brian Gysin et Ramuncho Mata à Paris. En définitive, c'est surtout l'interaction de type agressif avec le public qui peut le mieux rapprocher le punk du futurisme. Au sein des Sex Pistols, Johnny Rotten en fait vite son image de marque. Les punks, les merveilleuses et leurs compagnons, les incroyables juste après la terreur, les garçons dans les années 20 et les azous dans les années 40, tous partagent un même rapport aux vêtements, plus généralement à l'apparence physique. Ils se font tous connaître par une mode vestimentaire outrageusement provocante et par un amour immodéré pour la dissipation, l'extravagance et la danse. Paradoxalement, c'est dans la patrie de la bourrée auvergnate qu'a lieu un événement de portée mondiale, selon le journaliste britannique Nick Kent. Venu assister en décembre 1973 à un concert des New York Dolls à l'Olympia, à Paris, il est placé au dîner qui suit à côté de Malcolm McLaren, qu'il n'a encore jamais croisé. Il lui parle du punk rock, expression dont McLaren s'empresse de revendiquer l'invention alors qu'il la découvre. Décidément, il est bien difficile de départager les candidats à la paternité de l'usage du mot punk pour qualifier la musique et la mode de ces jeunes marginaux anglais destroy qui font un bras d'honneur à tout ce qui ressemble de près ou de loin à une institution. Dès 1973, la scène rock américaine, que l'on peut qualifier de proto-punk, s'est essoufflée. Le minimalisme et l'énergie qui caractérisent les Stooges, les MC5, le Velvet Underground, l'Amérique n'en veut plus. Ni de leur minimalisme, ni de leur énergie, ni surtout de leur côté sulfureux. Elle veut revenir à ses vraies racines, la country. Ce qu'elle aime en 1975 est symbolisé par le groupe Eagles, des rustos rigoureusement hétéros, fortement influencés par la country et le bluegrass, ces derniers sont à l'origine du country rock. Leur musique, dit Nick Kent, aussi confortable et rassurante qu'une paire de pantoufles, est adoptée sans effort par l'Amérique profonde. Elle n'est en rien provocante et ne fait l'apologie d'aucun mode de vie alternatif. Tels sont à l'époque les goûts de l'Amérique profonde. Mais une minuscule fraction de son territoire résiste malgré tout à la tentation country. La relève du rock va naturellement venir en grande partie de New York, mais pas seulement. Pimentée d'une bonne dose de dérision, crise, énergie et cataclysme ont assurément leur rôle dans l'univers mental et scénique du groupe Devo. Fondé par des étudiants en art d'Akron, Devo tire son nom de la thèse farfelue d'un dénommé Oscar K. Smith, qui attribuait l'origine de l'homme à la déévolution de singes cannibales et accros au sexe. Cette référence fournit une faible idée de la couleur artistique de Devo, qui ne se contente pas de donner de simples concerts. Ceux-ci sont également des performances. Quand on a été étudiant en art ne serait-ce qu'une année, on en conserve l'esprit potache sa vie durant. Par exemple, les membres de Devo n'hésitent pas à se produire sur scène coiffés de peaux de fleurs, qu'ils affirment constituer de très efficaces accumulateurs d'énergie sexuelle, laquelle est alors canalisée dans leur voix. Masques, combinaisons en plastique jaune d'allure post-atomique et autres accessoires tirés de la vision convenue d'un futur hyper technologique sont les cibles de leur détournement malicieux. Ainsi attifé, le groupe peut délivrer sa critique du monde qui l'entoure sans encourir le risque de se faire prendre au sérieux. En 1973, Richard Hell et Tom Verlaine fondent un groupe nommé The Neon Boys, qui aura seulement quelques mois d'existence. Une poignée d'enregistrements émerge tardivement dans les années 80. Morceaux de 2 minutes aux titres piquants comme Love Comes in Spurts, l'amour vient en giclant, pas de doute, on est bien face à un groupe punk avant la lettre. Après l'expérience un peu courte des Neon Boys, Richard Hell et Tom Verlaine fondent Television. Si les Neon Boys sont restés confidentiels, il n'en est pas de même pour la nouvelle formation, laquelle fait bientôt les beaux soirs du CBGB, un club new-yorkais consacré aux musiques country, bluegrass et blues, d'où le nom choisi par son patron, le musicien Hilly Kristal. L'histoire est si belle qu'elle paraît apocryphe. Croisant Hilly Kristal en train d'accrocher son enseigne CBGB annonçant la couleur musicale de l'établissement, Hal et Verlaine l'auraient assuré qu'il jouait précisément ce genre de musique. Il va sans dire que rien n'est plus éloigné de la vérité. Cependant, contre toute attente, le public est content et consomme suffisamment de bière pour rendre l'opération rentable. Le patron, très vite, ouvre sa scène à d'autres groupes sans se donner la peine de changer une nouvelle fois son enseigne. Le CBGB va donc, sous ce nom, devenir une véritable pépinière pour le punk de New York. C'est aussi dans la région des Grands Lacs, à Chicago, qu'est née la fille d'une ancienne chanteuse de jazz devenue témoin de Jéhovah. Élevée dans le New Jersey, elle se prépare au beau et dur métier d'institutrice quand une grossesse intempestive entraîne son expulsion brutale de l'établissement où elle étudiait. Contrainte de se mettre à travailler immédiatement, elle arrive à New York, écrit pour le magazine Cream, coécrit une pièce de théâtre avec l'auteur dramatique et comédien Sam Shepard, rencontre Lenny Kaye, l'éditeur de la fameuse compilation Nuggets, et se met à faire des lectures de ses poèmes. Elle s'appelle Patti Smith. The wall is high, le mur est haut, black bond, la grange noire, le bébé emmailloté dans mes bras. Et je comprends alors que le ciel va se fendre en deux et que les planètes vont se déplacer. Les boules de jade vont chuter et l'existence s'arrêter. Petite sœur, le ciel s'effondre. Je m'en fiche. Petite sœur, les parcs t'appellent. Si Patti, Tom et Richard sont des poètes, des écrivains, Alan Bamowitz, lui, est artiste et expose des sculptures lumineuses dans les plus prestigieuses galeries new-yorkaises. En 1971, il s'occupe également d'un espace appelé « The Project of Living Artists », le projet des artistes vivants. C'est là qu'il rencontre Martin Ravaby, un étudiant en musique classique renvoyé pour indiscipline. Cette rencontre historique entre ceux qui sont désormais connus sous les noms d'Alan Vega et Martin Rev aboutit à la formation du groupe Suicide. Suicide, un duo pour lequel ils ont dans un premier temps choisi des pseudonymes aussi radicaux que percutants. Alan et Nasty Cat, méchante coupure, et Martin, Marty Maniac, Marty le dingue. C'est en artiste et en artistes contemporains, qu'ils abordent leurs premières exhibitions publiques. Il s'agit bien plus de performances artistiques que de concerts de rock au sens habituel du terme. Les vrombissements à casser les oreilles des claviers de Rev et l'arsenal de glapissements et de hurlements à glacer le sang de Vega engendrent parfois des réactions assez vives dans le public. Il arrive à la police d'intervenir à coups de gaz lacrymogène. On avait la réputation d'être le groupe que tout le monde aimait haïr. J'en ai presque fait une dépression nerveuse. On affrontait et on provoquait le public. On n'était pas des rigolos. On était en colère et on voulait réveiller les gens. La réussite est totale sur ce plan. Il faut dire qu'Alan Vega n'a pas hésité à employer les grands moyens. C'est ce qu'on a fait, Marty et moi, avec Suicide. On leur a donné Treblinka. Treblinka, l'un des camps de la mort. La référence n'a rien d'anodin quand on sait qu'elle vient de deux juifs new-yorkais. Même les punks n'aimaient pas Suicide. On était les punks ultimes puisque même les punks nous haïssaient. Il fait tout en effet pour provoquer son public et l'amener à lui balancer dans la figure ce qui lui tombe sous la main, le plus souvent des canettes. Grosse d'une violence dont on ne sait donc jamais si elle va réellement exploser, l'interaction de Vega avec son public, toujours imprévisible, doit en effet beaucoup à l'observation qu'il a faite des prestations d'Iggy Pop au temps des Stooges. Thank you. Formés comme Suicide en 1971, les New York Dolls, les poupées de New York, de Sylvain Sylvain, Johnny Thunders et David Johansen, jouent un rôle irremplaçable dans la formation du punk. Le groupe se caractérise par un look typiquement glam rock, cheveux longs et bouclés, pantalons de satin portés avec des chemisiers féminins, talons hauts, yeux et lèvres maquillés comme des voitures volées. Les Ramones, ainsi nommés en référence au pseudonyme parfois utilisé par Paul McCartney pour réserver incognito une chambre d'hôtel, ont décidé d'en revenir aux fondamentaux des années 60. Guitare, basse, batterie. Et des morceaux simples, rapides, très rapides. Rares sont les titres des Ramones qui dépassent les 2 minutes. Du coup, ils expédient tout leur répertoire en moins de 3 quarts d'heure. Afin de donner le tempo, le bassiste Didi Ramone introduit chaque morceau par 4 mots, 1, 2, 3, 4, qui devient vite l'estampille du groupe avant de faire école et d'être récupéré par beaucoup d'autres formations. La musique des Ramones, c'est une grande économie de moyens au service d'une efficacité maximale. Une efficacité qui marque tant les esprits qu'à la suite de leur premier passage en Grande-Bretagne, tous les groupes britanniques se mettent à jouer 2 fois plus vite, dit la légende, renonçant du coup à ce qui faisait une partie de leur diversité et de leur charme. Côté look, ils en reviennent aussi à une esthétique abandonnée depuis une bonne décennie. Blouson de cuir noir, t-shirt moulant, jeans troués aux genoux, tennis éculés et coupe au bol. Si les Ramones sont les bad boys de la scène new-yorkaise, les Talking Heads, têtes parlantes, une expression qui désigne les présentateurs télé, en constituent l'exact opposé. Étudiants bien sages, issus de bonnes familles, ils portent leur petit polo Lacoste méticuleusement repassé et boutonné jusqu'au menton. Dans la folie ambiante, leur façon de se vêtir et de se produire sur scène est presque malsaine. Il est difficile de trouver inspiration plus étouffante et plus sombre que celle de David Byrne, qui l'inaugure avec un premier 45 tours intitulé Psycho Killer, une tentative de plonger dans les pensées d'un meurtrier. Tentative portée par une musique obsédante et syncopée qui n'étonne pas venant d'une personnalité qui se dit elle-même borderline Asperger. C'était Je suis punk de Caroline de Cargario. 3. Punk, nos futurs, mais a-t-il un passé? Avec Elodie Hubert, Romeric Seguin, Marion Malenfant, Alizée Soudet, Aymeric Le Serre, Émilie Blond-Metzinger. Équipe de démolition, Emmanuel Chevrière, Éric Villenfin, Laetitia Delgado, Laure Chastan, Jean-Mathieu Zande. Nos futurs, une histoire du punk de Caroline de Cargario est publiée aux éditions Perrin. Punk's Not Dead, à demain.